Ok, un pack pour un couru pricorde. Un pack pour un couru pricorde. Un pack pour un couru pricorde. Va faire tourner la compule comme à Mawashi guéri. Je te le dis quand je parle, crois pas que c'est Mawash qui me guérit. Parfois je pète un câble car mon moral ne tient qu'un film. Je m'accroche, je vais pas finir comme un gars infirme. Je suis pas de ceux qui s'excitent car elle pisse Catherine. Veut tracer ma route sans finir en psychiatrie. J'ai plein de rage, c'est pas pour autant que je traite la France. Du mal à me remettre sur les rails malgré mon train d'avance. 62 kilos de peine, dans la vie je mets à la guerre. Je reste stratégique et c'est pas non plus du Metal Gear. À force de se la péter, beaucoup une gueule de cul. Je sais ce que je fais, je veux pas parler avec des têtes. Que je vois pas de shérif en pensant que ça perdurera. Je vois la marque de ma semelle sur la porte du rap. Un couru pricorde, si tu kiffes pas viens par ici. Je te préviens, m'appelle pas fils ou ça fera un par ici. L'associable, mais dans la vie qu'aucun son parasite. Si ça tronome, mais la camisole est parasite. Un couru pricorde, si tu kiffes pas viens par ici. Je te préviens, m'appelle pas fils ou ça fera un par ici. L'associable, mais dans la vie qu'aucun son parasite. Si ça tronome, mais la camisole est parasite. Mais c'est pas Barcelone sur ma vie en par soleil. Je te lâche des couplets, ce qu'il y a de plus père. Je m'en bats si personne aime. Ce monde part en couille, part ça en cours. Quand tous les gosses veulent des parts en couille. Regarde les jeunes, connaissent plus que la PlayStation. Plus de respect pour les meufs, c'est qu'elles sont en PlayStation. Passent leur temps à RN, ça mule plus au centre R. Trois dans San Andreas, et les futurs putes vont s'entraîner. Donc comprends mon pessimisme, j'attends pas que la pessimiste. Si à mon menton, pas hésite pas à faire simis. Ce quotidien m'écarte, je me dis qu'il faut pas que je m'énerve. Donc j'écris et c'est sur un truc que je passe mes nerfs. J'ai dans l'espoir qu'un jour mes textes s'éclairciront. C'est clair si on bosse dur, pas mal clair ils seront. Je me bats comme ça, je rêve d'espoir et de changement. De casser ce trou et crois-moi l'espoir j'en jument. Un couru pricorde, si tu kiffes pas viens par ici. Je te préviens, m'appelle pas fils ou ça fera un par ici. L'associable, mais dans la zico casse au paradis. Si ça tronome, mais la camisole est parasite. Un couru pricorde, si tu kiffes pas viens par ici. Je te préviens, m'appelle pas fils ou ça fera un par ici. L'associable, mais dans la zico casse au paradis. Si ça tronome, mais la camisole est parasite. Spécial pour M2R Fuso. Spécial pour M2R Fuso. Un couru pricorde, si tu kiffes pas viens par ici. Je te préviens, m'appelle pas fils ou ça fera un par ici. L'associable, mais dans la zico casse au paradis. Si ça trop donne, mais la camisole est pas à la ville. Check, c'est ta mâchoire qui rit. T'oublie pas de faire tourner la copule comme à Mawashi Kerry. Comme à Mawashi Kerry. Comme à Mawashi Kerry. Comme à Mawashi Kerry.